je m'installe. Moi, comme vous savez, je suis un papy. Quand je prêche, il faut que mes notes soient bien mises, sinon je suis pas bien. Alors du coup, juste avant de commencer, mon épouse, je fais le ménage, hein. Vous récupérez vos trucs après. Mon épouse et mes enfants vous passent le bonjour. Ils n'ont pas pu être présents avec moi aujourd'hui. Donc ils vous passent bien le bonjour. Ils avaient, pour tout vous dire, ils sont à une brocante. Donc moi, je vous remercie de l'invitation parce que vous m'avez évité cette grande galère. Donc je voulais vous remercier déjà pour ça. Donc aujourd'hui, on va continuer la série que vous avez commencée la semaine dernière, qui est « Devenir l'Église que Dieu désire ». Et je suis vraiment encouragé par le message que je vais apporter. Du coup, la semaine dernière, vous avez vu l'Église, un peuple élu, c'est ça? Ok, moi, le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est l'Église, un temple consacré. Et je ne sais pas si vous avez vos Bibles. J'ai fait un PowerPoint, mais je n'ai pas greffé tous les textes volontairement, parce que je pense que c'est des textes sur lesquels il est bon de revenir, donc que vous ayez l'habitude de tourner à droite, à gauche sur ces textes-là. En fait, je vais baser ma prédication sur trois textes principaux qui seront 1 Chronique 7, versets 1 à 4, Acte 2, versets 1 à 4, et 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Donc on va tourner comme ça. Tout le monde a sa Bible ou son smartphone ? Moi, j'aime bien la Bible en format papier. J'aime bien la Bible en format papier parce que, en général, du coup, je lis beaucoup dans les transports et ça amène les gens à poser des questions. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai ma Bible YouVersion, mais j'aime bien ramener ma Bible avec moi parce que ça enclenche une conversation en général sur Dieu et j'aime bien ça. La dernière fois, dans les transports, il y a une dame qui m'a dit « Vous lisez la Bible et tout ça et tout ?» J'ai dit « Bah oui. » Elle dit « Mais il y a encore des gens qui lisent la Bible ?» Je dis « Bah, je crois, ouais, peut-être on est dans les derniers, mais oui, il y a des gens qui lisent la Bible. » Donc ça enclenche, j'aime ça. Donc on va lire les trois textes, et puis après on va parcourir, j'aimerais apporter quelques points. Donc on va les lire dans l'ordre chronologique. 2 Chroniques 7, versets 1 à 4. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, donc c'est après la consécration du temple. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant « Oui, il est bon, oui, son amour est éternel. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Maintenant, on va lire Acte 2, au verset 1 à 4. Pour beaucoup, vous avez fait le rapprochement, peut-être certains non, vous allez voir que c'est très similaire. Donc, Acte 2, quand le Saint-Esprit descend du coup, sur les premiers chrétiens. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un si violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, et elles se séparèrent et allèrent se poser sur chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. » Dernier texte qu'on va lire, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. S'il y en a qui ne savent pas où le livre d'1 Corinthiens se trouve, c'est juste entre Genèse et Apocalypse, donc cherchez entre les deux. Versets 16 et 17 seulement. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » J'aimerais juste prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, ta parole qui est inspirée de toi, Seigneur, ta parole qui nous fortifie, Seigneur, qui vivifie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que je puisse la porter fidèlement, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur, tu puisses parler à chacun, Seigneur mon Dieu. Tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, Seigneur, ouvrir toutes choses, Seigneur, et être réceptif à ta parole, Seigneur mon Dieu. Qu'elle puisse passer de l'intellect, Seigneur, à notre cœur et porter de nombreux fruits. Seigneur, on te remet, Seigneur, ces instants. Prends toute la place, Seigneur. Parle au travers de ma bouche, dans le nom puissant de Jésus. Amen. En fin de compte, pour comprendre un petit peu ces textes, je pense que chacun a un petit peu saisi. J'aimerais faire un bref rappel pour après passer à certains points, du coup, notamment les implications. Qu'est-ce que ça implique que nous sommes le temple consacré de Dieu en tant qu'Église ? Mais juste, en fait, un bref rappel, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je pense que les textes sont assez explicites à ce qu'on a lu. En fin de compte, quand vous regardez l'ensemble de la Bible, quand vous étudiez un petit peu la théologie, le but du temple dans l'intention de Dieu, dans l'intention divine, le but d'un temple, c'est pour deux choses. C'est déjà pour la présence de Dieu, et la deuxième chose, c'est pour la manifestation de sa présence au milieu des hommes. Donc, la présence de Dieu, pour contenir la présence de Dieu, et que Dieu se manifeste au milieu des hommes. Dieu a toujours eu ce désir de se manifester en nous, de se manifester pour nous, de se manifester au travers de nous. Dieu a ce désir-là de se manifester à toute la création humaine. Et quand on lit le livre des Actes, on a lu Acte 2, quand on parcourt un petit peu plus loin et qu'on regarde le discours d'Étienne, vous savez, Étienne a été persécuté, le discours en fait qui va dire quelque chose en fait, dans Acte 7, vous trouvez ça au verset 48, il va dire cette vérité, il va dire « Le Très-Haut n'habite pas dans des édifices construit par des mains humaines. » En fin de compte, du coup, ce que Étienne va dire, ça peut remettre en cause ce qu'on a lu dans Deux Chroniques. Que Étienne, en fait, atteste cette vérité, que Dieu ne réside pas dans ce qui a été construit par la main humaine. Mais là, on voit, en fin de compte, que dans la consécration du temple, Salomon consacre le temple à Dieu, et Dieu, en fait, arrive, en fait, sa gloire descend, et il atteste le temple. En fait, il arrive, le temple est consacré à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction ? Absolument pas. Par contre, il y a quelque part dans la Bible, en fait, ce qu'on appelle la révélation progressive, mais aussi l'intention de Dieu première. L'intention de Dieu première, c'est d'être avec nous. Quand on voit dans Genèse 1, dans le Jardin d'Éden, c'est que sa présence soit au milieu de nous, soit en nous. Et c'est ça son but premier. Le but premier de Dieu n'a pas été de construire un temple pour qu'il y réside. Comme le but, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, son but premier n'était pas de donner un roi au peuple d'Israël. Il en aura quand même donné un, vous voyez, mais c'est en dessous de ce qu'il veut, de son but premier. Et ce que Étienne, en fin de compte, est en train de nous rappeler de ce que Dieu veut et de ce que Dieu désire, c'est que le but de Dieu n'est pas, en fin de compte, qu'on vienne à un temple. Le but de Dieu n'est pas, en fait, de résider dans une église, dans un lieu, dans un édifice. Le but de Dieu premier, c'est que nous soyons l'église, que nous soyons ce temple. Et c'est ça en fait que va dire Paul aux Corinthiens, que nous sommes ce temple, nous sommes un temple consacré, nous sommes là où Dieu réside. Et quand Dieu fait descendre sa gloire, on le voit en fait quand Salomon du coup consacre le temple, c'est de la même manière, en fin de compte, que c'est comme s'il atteste, il approuve et il descend. Et c'est de la même manière dans Acte 2 que Dieu, en fin de compte, descend et approuve sa demeure en nous, en faisant descendre son esprit, en faisant descendre une partie de sa personne, enfin sa personne lui-même. 1 Corinthiens 6, on a lu 3, un peu plus loin, en fait, Paul va amplifier ceci en rajoutant ça. Il va dire « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit ?» qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Nous sommes un temple consacré à Dieu. Nous, en tant que personne, en tant qu'individu, et nous, en fait, dans les composants de l'Église, en tant que personne et en tant que peuple, nous sommes ce temple. Nous sommes un temple consacré. En fin de compte, Dieu n'est pas notre colocataire. Dieu n'est pas en fait quelqu'un qui arrive et qui prend quelque part la colocation de notre corps. À partir du moment où on lui donne notre vie, d'ailleurs la Bible va dire en fait que nul ne peut dire que Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. À partir du moment où on donne notre vie à Christ, où on accepte ce qui s'est passé à la croix, il réside en nous par son Esprit. Il atteste que nous sommes un temple. Maintenant, nous sommes son temple qui est consacré. Nous sommes consacrés à lui. Nous sommes sa demeure. Donc ça, je voulais juste rétablir un petit peu ça, même si les textes sont très explicites, pour qu'on puisse bien le saisir et pour aller en fait là où ça nous intéresse quelque part ce matin. Donc quelles sont en fin de compte les implications, ok, du coup en tant que chrétien où j'ai donné ma vie à Dieu ou peut-être pas encore mais je veux comprendre un peu plus, quelles sont en fin de compte, je suis le temple consacré de Dieu, je le comprends, Dieu réside en moi, Dieu ne réside pas dans un lieu mais réside dans des personnes, il réside en nous, mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique en fin de compte pour nous et qu'est-ce que ça implique pour nous envers les autres? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie et qu'est-ce que ça implique dans mes relations? Donc c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. En fin de compte, il y a un point qui est important à saisir, c'est que notre corps ne nous appartient plus. À partir du moment où on se donne à Dieu, où on se donne à Christ, notre corps ne nous appartient plus. Nous ne sommes plus nos propres maîtres. Dans le livre des juges, il y a une phrase qui... vous savez, les juges sont un peu les anti-héros de la Bible, mais il y a une phrase qui revient, en fin de compte, plusieurs fois dans le livre. C'est cette phrase-là, ça dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et il y a une notion à comprendre. Là-dedans, vous demandez, en fait, là, on parle de temple, là, maintenant, on parle de roi. Les deux vont se rejoindre. Juste suivez-moi, je suis en train d'aller quelque part. Juste suivez-moi un instant. En fin de compte, quand on n'est pas passé, entre guillemets, par la croix, quand on est sans Dieu, on est dans cet état où on est notre propre maître. D'ailleurs, Paul va parler de cette notion d'être notre propre maître. Et chacun, en fin de compte, fait ce qui lui semble bon, selon ses critères, selon peut-être ses points culturels, ses codes culturels, ses codes de morale même propres. Mais à partir du moment où on passe par la croix, où on accepte Christ dans nos vies, on passe, en fin de compte, sous l'autorité. La Bible, en fait, dit que Jésus est le roi des rois. Il y a des choses, en fin de compte, qui est important de saisir. C'est pour ça que là, je parle de la notion de royauté. Je vais y revenir, tout va se rejoindre. Je ne suis pas en train de me perdre. Il y a des choses qui sont importantes à comprendre parce que dans notre contexte en fait, actuel, en tant qu'habitant ici à Paris, en tant que Parisien, Français, en fait, sous une république, il y a des notions en fait, bibliques qui sont importantes de saisir parce qu'on ne vit pas ces réalités-là. En fin de compte, quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, ça parle de royauté, donc ça ne parle pas d'un président. Ça ne parle pas de quelque... Il y a quelque chose, en fin de compte, il y a une... C'est là, en fait, où, en fin de compte, le principe de souveraineté prend. On appartient, on est sous l'autorité du roi. Il y a quelque chose qui est plus puissant, qui est plus profond. Et lorsque nous ne sommes pas à Christ, nous sommes, en fin de compte, sous notre propre maître. On peut être sous l'influence d'eux, mais nous sommes nos propres maîtres, on est nos propres chefs. Et j'aimerais en fait juste du coup voir quelque chose avec vous, à partir du moment où on va à Christ en fait et qu'on devient le temple un temple consacré, on rentre dans une dimension où au final on va avoir un choix de servir entre deux rois, même si avant on peut être sous l'influence d'un certain roi, donc je vais développer ça, mais on rentre dans une dimension où on est sous une royauté et en fin de compte, il y a deux possibilités. Soit on sert le roi des rois, ou soit on sert celui qu'on appelle le prince de l'air, entre guillemets, ce que la Bible appelle le prince de l'air, donc l'ennemi de nos âmes, Satan. Même s'il était présent avant qu'on devienne chrétien, en fait, et qu'il exerçait une influence détruisant nos vies, là, en fait, ça devient tout. On rentre dans une dimension où c'est tout de suite plus concret. Je vais l'illustrer, en fait, par un passage biblique. Donc ça se trouve dans Genèse 14, c'est donc Abraham en fait, Genèse 14, du coup je vais lire et je vais expliquer après. C'est vraiment important de comprendre ça du coup afin qu'on puisse saisir la notion qu'on est un temple consacré. Ça part de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Ça dit ceci, en fait Abraham revient d'une victoire, ça dit... À partir du verset 17, lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer, le roi qui était avec les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Il y a d'autres versions qui vont dire « Abraham lui donna la dîme de tout. » Verset 21. « Le roi de Sodome dit alors à Abraham, « Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. » Abraham lui répondit, « Je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui ne t'appartient, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront. » En fin de compte, on voit Abraham qui revient victorieux, il revient d'une bataille et il se retrouve dans une vallée. Et dans cette vallée, qui est la vallée de Chavé, il rencontre deux rois. Abraham, il va rencontrer le roi de Sodome et le roi de Salem. Et ça illustre les deux rois en tant que chrétiens, en tant que temple consacré, auxquels on a affaire dans la vallée de nos vies chaque jour. Je vais m'expliquer. Chaque jour, on a un combat quotidien. En tant que temple consacré, on a un combat et on se retrouve dans une vallée avec un choix à faire entre le roi de Salem ou le roi de Sodome. En fin de compte, la vie chrétienne, dans le spirituel, est un combat. Vous savez, on est tous engagés, à partir du moment où on se mouille pour Christ, entre guillemets, on est tous engagés dans un octogone. On est tous, je sais que du coup l'octogone de Caris et Bouba n'aura certainement pas lieu, mais du coup le nôtre a bel et bien lieu. En tant que chrétien, on est tous engagés dans un octogone. On est tous dans un combat, dans une vallée, là où se retrouve Abraham, dans la vallée des combats. Et je voudrais juste vous décrire un petit peu ces deux rois. Le premier qui est décrit, c'est le roi de Salem. En fin de compte, ça vient du terme shalom en hébreu qui désigne la paix. Le roi de Salem, c'est une image prophétique pour parler de Christ. Donc Salem, la ville de Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Et on voit qu'il arrive, en fin de compte, ce roi avec le pain et le vin, qui sont le symbole de la vie. Et Jésus va dire en Jean chapitre 6 qu'il est lui-même le pain de vie. Il va dire, même quand il va distribuer la scène à ses disciples, « Ceci est mon corps ». Il va parler aussi de « Ceci est mon sang, mon alliance. Celui avec qui j'ai fait une alliance ». Jérémie va parler en fin de compte que il va prophétiser sur le fait que l'alliance qu'on aura avec Dieu sera gravée sur notre cœur. Et on voit que Abraham à ce moment-là lève les mains. On voit que ça nous dépeint un autre roi qui vient le tenter, le roi de Sodome. Sodome, en fin de compte, dans la Bible, c'est la ville de l'abomination, c'est la ville du péché, c'est la ville de l'impureté, c'est le lieu des flammes, c'est le lieu du feu, c'est le lieu, en fin de compte, ça représente entre guillemets ce qu'on appelle l'enfer communément. Et chaque jour, je crois qu'on vit en fait cette tentation, la même qu'Abraham, où il y a le roi de Sodome qui nous dit « Prends les biens, je veux les âmes ». Au final, ce que d'ailleurs la Bible appelle Satan l'ennemi de nos âmes. Ce que veut le diable, c'est les âmes. Ce que il peut en fait offrir une vie de plaisir, une vie de joie éphémère, une vie de chair. Mais ce qui l'intéresse, ce sont les personnes. C'est de ramener les personnes, en fait, les retirer du royaume de Dieu pour les ramener dans son royaume à lui. Et j'aime ce qu'Abraham va dire. Il va dire, pas un fil ni une courroie de souliers. Pas un fil de péché, pas un fil de convoitise, pas un fil d'amertume. Je ne sais pas en fait sur quoi on peut le transposer dans nos vies, mais pas un fil. C'est en fin de compte, du coup, c'est là où les deux pensées que j'ai apportées se rejoignent, c'est que être le temple de Dieu, être ce temple consacré, c'est être amené toujours à faire un choix. Chaque fois dans nos vies chrétiennes, je dirais même chaque jour, on est amené dans la même vallée à faire un choix entre le roi de Sodome ou le roi de Salem. C'est un choix. Dieu, en tant que temple consacré, nous amène à faire un choix. À qui je vais donner, entre guillemets, ma loyauté ? Est-ce que je vais le donner au roi des rois, au seigneur des seigneurs, ou est-ce que je vais le donner au roi de Salem? Et tout commence souvent par un choix radical en tant que temple consacré. Quand on dit consacré, c'est mis à part. Donc, c'est-à-dire de refuser ce qui ne vient pas d'eux. D'ailleurs, Jésus va dire « Nul ne peut servir deux maîtres ». Donc à partir du moment où nous sommes le temple consacré de Dieu, il est consacré au roi des rois et non pas au roi de Sodome. Et c'est pour ça, en fin de compte, que je voudrais voir les implications que ça amène. Ça amène trois implications majeures, en fin de compte, trois appels majeurs qui sont sur nos vies en tant que temple consacré. La première, c'est l'intégrité, un appel à l'intégrité. La deuxième, un appel à résister. Et le troisième, un appel à la pureté. J'aime les chants qui ont été choisis aujourd'hui parce que c'est vraiment un conduit par Dieu. On sait pas, j'ai pas partagé ma prédication avant. J'ai juste, et je crois qu'il y a vraiment un endroit où Dieu veut nous amener ce matin. Trois implications majeures, trois appels en tant que temple consacré à Dieu. Appel à l'intégrité, à la loyauté au roi de Salem, au roi des rois, à Jésus. Et pour ça, en fin de compte, il y a des choses qu'on doit être amené, pour être intègre, à refuser. La première chose qu'il faut refuser, c'est la compromission, le compromis. Vous savez, la compromission est toujours la porte d'entrée de la chute. C'est une réalité, en fin de compte, à saisir, c'est que... D'ailleurs, dans ce qu'on a lu en fait, dans 1 Corinthiens 3, au verset 16 et 17, pour revenir, c'est... 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, nous parle de ça, de la destruction du temple. La compromission peut amener, peut être la première porte d'entrée pour la destruction du temple. On va voir ceci ensemble. En fait, la compromission, faire un compromis, c'est-à-dire faire un entre-deux, ne pas être totalement... pas un 50-50, mais même des fois un 90-10. Juste un petit compromis. C'est la porte d'entrée à la destruction du temple que nous sommes. Vous savez, la chute, en tant que croyant, ne vient jamais d'un coup. C'est très rare. C'est très rare qu'une chute morale ou quelque chose, en fin de compte, ne vienne d'un seul coup. Du jour au lendemain ou alors d'une minute à une autre, c'est très très rare. En général, il y a toujours eu une entrée sur ce terrain glissant du compromis. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été à la patinoire. Du coup, moi, je m'en souviens, pas quand j'étais petit, je n'avais jamais été, j'ai été en tant qu'animateur. Et donc du coup, quand j'étais animateur en fait, dans un centre de loisirs il y a longtemps, du coup mon directeur m'a dit « Ouais, tu sais faire du patin à glace ?» J'ai dit « Ouais, ouais, de ouf, de ouf. » Et en fait, je me suis retrouvé sur ce terrain glissant qui est une patinoire. Et je m'étais dit, en fait, moi, je vais me gérer moi-même. Mais j'avais oublié que j'étais animateur et que je m'occupais des 6-7 ans, d'accord ? Donc, je me suis retrouvé avec plein d'enfants à bras, en train d'essayer de glisser. Donc, ça a tenu 5-10 minutes avant que je me retrouve les patins en l'air et du coup, les enfants sur moi. Et c'est ça, en fin de compte. Le terrain du compromis, c'est un terrain glissant. C'est un terrain dangereux sur lequel on s'aventure. Et c'est toujours la porte d'entrée à une future destruction du temple, à une future chute. Vous savez, comme j'ai dit, c'est très très rare qu'une chute vienne du jour au lendemain ou d'un instant à un autre. C'est très rare. En général, du coup, quand je fais des suivis pastoraux, en fait, quand j'ai des entretiens, à coup sûr, en fait, quand une personne est tombée ou en fait est dans une démarche de voilà, quand on prend tout le processus, en général, il y a eu un compromis dès l'entrée, dès le début. Ça a été mis sous le terrain du compromis. Vous savez, c'est j'ai jamais entendu dans aucun entretien pastoral un homme ou une femme en train de me dire « bah écoute, je suis tombé, j'ai couché avec un tel, je ne sais pas ce qui s'est passé, on était en train de prier et après, voilà ». Ça ne m'est jamais arrivé, ça n'arrive pas. En général, il s'est passé un long processus, des mois. J'ai commencé à parler à la personne et puis après, en fait, on a commencé à se parler un peu au téléphone, etc. Ça prend un processus, compromis. La compromis, c'est toujours 1%. VS 99, puis après ça va grappiller 2, 3, 4, 5, et c'est ça en fin de compte, la compromission. Appel à l'intégrité, refus du compromis, refus également de tout ce qui vient de l'ennemi. J'aime la réaction d'Abraham, et ce que même nous encourage à faire Paul dans 1 Corinthiens 3. Abraham va dire ceci, va dire, garde les biens pour toi. Garde les biens pour toi. Même, on voit aussi quand le diable va tenter Jésus dans le désert, où il va dire, mais tout ça, en fait, tous les royaumes, si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes et ses richesses, je vais te les donner. Et Jésus va dire, non, arrière de moi, il y a un refus de tout ce qui vient de l'ennemi. En fin de compte, ce qui est important à saisir, et on le voit en fait dans ce texte-là, on le voit avec la tentation de Jésus dans le désert, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible, c'est que le diable est souvent plus bavard que Dieu. Le diable est souvent plus bavard, va plus avoir tendance à nous parler, à nous chuchoter des choses que Dieu lui-même. En général, Dieu parle une fois. Et c'est ce qu'on voit en fin de compte du coup, qu'il a toujours les mêmes techniques. Il propose à Abraham, il dit, bah, écoute, tous les biens, en fin de compte, garde tous les biens. Garde les plaisirs, garde tout ça. Moi, ce que je veux, c'est les âmes. Et c'est exactement ce qu'il va dire à Jésus dans le désert. Il va dire, prosterne-toi devant moi et tout ce que tu vois là, tout ça, ça va être à toi. Toutes les richesses, tous les biens de ce monde. Par contre, moi, je veux que tu te prosternes devant moi parce que c'est les âmes qu'il voyait derrière. Refus de tout ce qui vient de l'ennemi. Refus également, dans l'appel à l'intégrité, refus de l'impureté. Vous savez, c'est le chant même qu'on vient de chanter, il y a un refus de l'impureté qu'on a à avoir en fait en tant que chrétien. Et c'est assez intéressant même de voir en fait dans la parole de Dieu que dans cet appel que Dieu nous donne à être un temple consacré, en fait, il y a quelque chose de séparé en fin de compte le pur du l'impur. Et quand on étudie en fait 1 Timothée, j'ai relevé plein de versets, il me semble qu'il y en a d'autres. C'est assez en fait perturbant et à la fois en fait de voir ces avertissements-là. Paul va parler à Timothée et tout ça évidemment s'adresse également à nous. Et il y a deux choses qui vont venir dans l'épître, la première lettre à Timothée. Il y a la notion de conscience pure et la notion de pureté. En fin de compte, c'est la notion de pureté qui est englobée, la pureté. On voit que Paul va dire à Timothée, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Plus loin, au chapitre 2, verset 8, il va dire « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu des hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures. » Chapitre 4, verset 12. « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais force-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » 5, verset 1 et 2. « Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-les comme s'il était ton frère. Traite de la même manière les jeunes gens comme des pères, comme tes frères, les femmes âgées comme des mères et les plus jeunes comme tes sœurs, en toute pureté. » Même la pureté est au sein de nos relations. « N'impose pas vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. » 1 Timothée 5, 22. Il y a un refus de l'impureté qu'on doit avoir. Quand on prend cette notion que nous sommes un temple consacré doit rester pur. Vous savez, du coup, et on a cette notion-là à refuser, pas un fil dans ma vie de ce que je mets, par rapport à ce que je mets devant mes yeux, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je dis, par rapport à toutes ces notions-là. Si quelqu'un, l'avertissement est fort hein, de Paul, hein, si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint. Vous êtes son peuple, son temple. Du coup, je ne sais pas si j'avais raconté ça, mais du coup, dans le pas un fil, je pense que ça peut encourager certains jeunes, du moins. Juste avant de rencontrer Aurélie, en fait, juste avant de rencontrer celle qui allait devenir ma femme, j'ai eu en fait un combat dans la vallée de Chavé. Vous savez, il y a, en fin de compte, j'étais c'était au travail. C'était juste, en fait, c'est ça qui est assez hallucinant. C'était juste 5 jours avant que je la rencontre. Et j'ai rencontré une fille en fait au travail. Et j'ai jamais eu, en fin de compte, une. Je vais essayer de peser mes mots parce que je veux pas choquer vos oreilles prudes. On m'a jamais autant fait du rentre dedans. Et pourtant, j'ai eu une vie avant d'être chrétien assez mouvementée, mais autant que cette fille-là, là, celle que j'avais rencontrée au travail, c'était plus qu'explicite. C'était plus que, et elle-même, en fin de compte, ne voulait. Elle était dans. Enfin bref, on va épargner les détails. Et en fin de compte, c'est la première fois en tant que. Parce que j'ai toujours été. Depuis ma conversion, j'avais toujours été ferme dans ma foi, etc. C'est la première fois, je ne suis pas tombé, où je me suis dit, et si ? Et si, au final, du coup, il y avait un petit compromis ? Ça vaut, Parce que vous savez, les gars, là, des fois, on réfléchit bizarrement, ok ? La fille, elle valait le coup, entre guillemets. Du coup, elle était... Je me dis, si je laisse passer cette occasion, ouais, bon, ok, après, je me repentirai, etc. Ça a commencé à tourner comme ça. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dit non, pas un fil. J'ai bloqué, j'ai coupé les ponts, en fait, avec cette fille-là. J'ai dit non, non, non, il se passera rien. Et 5 jours plus tard, je rencontrais Aurélie. Et je me suis toujours demandé, en fin de compte, si jamais j'avais fait ce compromis, si jamais, en fin de compte, j'avais pas refusé l'impureté dans ma vie, qu'est-ce qui serait passé, en fait, où je serais aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pas été écarté de Dieu? Est-ce qu'au final, j'aurais rencontré celle qui allait devenir mon épouse et la femme et la mère de mes enfants? Certainement pas. Au final, ça m'aurait emmené sur une autre pente. Vous voyez, et c'est... Je suis loin d'être un exemple. Hein. Je raconte en tant que témoignage, en fait. C'est la gloire soit rendue à Dieu, mais c'est juste, en fin de compte, d'avoir des positions où on se dit pas un fil. Parce qu'au final, la prise de position pour Dieu, résister pour Dieu, c'est également, en fait, avoir ses bénédictions à lui. Donc on a un appel à l'intégrité, un appel aussi à résister. Jacques va nous dire ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, en tant que chrétien, on doit fortifier notre temple. On est amené à résister, donc on est amené forcément dans une période où on doit résister, parce qu'on parle de combat. On est obligé de mettre des barrières et des murailles qui vont nous aider à résister. Vous savez, quand les Vikings ont attaqué Paris, ils se sont retrouvés face à des murs parce qu'ils avaient, en fait, tout autour de Paris, ils avaient érigé des grandes, on dit des murailles, ou je ne sais pas ce qu'on dit. En tout cas, ils n'ont pas réussi à rentrer dans la forteresse. Pourtant, ils avaient l'armée la plus puissante. Donc, on est amené à mettre des barrières face aux Vikings. Vous, je savais que vous n'en avez pas mis, Oral vous a envahi depuis longtemps. Mais on est amené en fait à mettre des barrières dans nos vies. Résister au diable, c'est mettre des barrières. C'est mettre, en fin de compte, ne pas se dire en fait je suis en Christ et je peux tout. Il y a des moments où je ne sais pas quelle barrière, en fin de compte, mais si tu as des problèmes avec l'alcool, c'est peut-être bien comme barrière de ne pas sortir avec tes amis qui vont dans un bar, par exemple. Si tu as des problèmes, je ne sais pas, avec la médisance, c'est mieux de ne pas traîner avec des filles. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, vous voyez, on est appelé à résister. Je rigole, hein, c'est une blague, je précise. Donc on est amené à mettre des barrières, en fait pour résister. C'est ce que Jacques nous dit, résister au diable. Il ne dit pas de l'attaquer, il ne dit pas de fuir ou de se laisser faire, il dit de résister. Et il y a quelque chose d'intéressant en fait dans le texte qu'on a lu aussi avec Melchisédek, c'est qu'en fin de compte on voit que Melchisédek n'intervient pas. On pourrait se dire, à un moment donné je réfléchissais à ça, je me suis dit mais quand le roi de Sodome en fait tente Abraham en fait et lui dit moi je veux les personnes, garde les biens etc. Et dans la discussion qu'ils ont entre les deux, le roi en fait Melchisédek qui est un type de Christ en fin de compte aurait pu prendre autorité et dire oh ne parle pas à Abraham, enfin du coup, il aurait pu s'interposer, il ne le fait pas. Et ça nous amène en fin de compte à cette réalité qu'en tant que chrétien, en tant que temple consacré, on est amené à faire des choix. On est amené à résister nous, à faire nos propres choix. Dieu nous laisse cette opportunité-là, c'est assez fou hein, parce qu'on devient sa propriété, mais Dieu nous laisse gérer son temple. Dieu, le temple consacré que nous sommes, en fait, Dieu nous laisse le gérer. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité de ça. On a une responsabilité à résister à l'ennemi. On a une responsabilité à l'intégrité. On a une responsabilité par rapport à la pureté. Dieu ne le fait pas à notre place. C'est nous notre responsabilité. La troisième chose, c'est un appel à la pureté. On parle de temple consacré. Consacré, donc mis à part. Mis à part pour Dieu. Un appel à la pureté. Mais en fin de compte, ce que j'aime avec la Bible aussi, c'est que la Bible a une extrême transparence. Donc ce même Paul, en fin de compte, qui nous avertit que de faire attention, en fin de compte, à notre temple, on est un temple consacré, si on ne prend pas garde, en fait, et qu'on le détruit, en fait, Dieu même détruira le temple, ce même Paul va nous dire, en fait, que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, bien souvent, et que le mal qu'il ne voudrait pas faire, souvent, il le fait. Et pour faire le parallèle avec Abraham, parce qu'on en a parlé, c'est exactement pareil. Là, on voit en fait Abraham sans compromis, pas un fil, etc. 2 chapitres avant, en Genèse 12, Abraham en fait arrive en fait dans... Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il dit que sa femme et sa sœur, il laisse en fait des gars prendre soin de sa femme, entre guillemets. Donc Abraham en fait loin aussi d'être de tout reproche, et loin en fait d'être le personnage aussi intègre, aussi rude qu'on a l'impression. Mais en fait, ce qui s'est passé, et c'est là en fait où on voit la grande différence, c'est que Abraham, et que ce soit Abraham ou que ce soit Paul, ils ont eu une rencontre avec le roi des rois. Il y a eu une rencontre, il y a eu un face-à-face, il y a eu une rencontre avec Christ, il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé. Et ça nous invite, l'appel à la pureté, ça nous invite à trois choses. Comme je l'ai dit, en fin de compte, il y a une notion de royauté, en fait, c'est pour ça que je suis venu dessus au début, à comprendre, parce qu'on n'a pas... Au final, la Bible nous a été adressée, toute parole en fait, de l'Écriture nous est adressée, mais il y a des choses, en fait, comme certains disent, en fin de compte, un texte sorti de son contexte est un prétexte. En général, on dit ça, il faut comprendre le contexte de la Bible. Donc le contexte, en fait, qu'est-ce que t'es un roi quand ils parlent de roi, qu'est-ce qu'ils entendent? Et ça, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec... C'est loin de nos conceptions de ce qu'on a d'un président. Il y avait une notion de crainte, une notion de loyauté au roi. Il y avait une notion de que le roi était mis à part, était souverain. Et on voit, c'est un petit peu à l'image comme dans Ésaïe 6, en fait, on voit les anges qui se couvrent la face, en fait, qui disent « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». En fin de compte, le roi des rois, Jésus, est à part. Et c'est pour ça qu'il y a... En le considérant en tant que roi, il y a trois choses qu'il faut qu'on fasse, que les personnes, entre guillemets, du coup, du temps de la Bible, en fait, là où ça a été écrit, faisaient par rapport au roi, qui est important de comprendre pour qu'on puisse se comporter par rapport à notre roi qui est Christ. La première, c'est de le mettre en premier. On voit en fait qu'Abraham lui donnait la dîme de tout. On voit la notion de souveraineté aussi, parce que Paul, dans 1 Corinthiens 6, va dire... Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il va parler aussi d'honneur, honorer donc Dieu. On voit aussi que dans le Proverbe 3:6, ça dit « Dans tout ce que tu fais, mets Dieu en premier. Il te dirigera et couronnera tes efforts de réussite. » En fin de compte, mettre Dieu en premier, le placer en tant que souverain, le placer en tant que personne mise à part, peut nous aider aussi dans notre conception de nous sommes un temple consacré, mais qu'on n'a pas été consacré à notre pote, entre guillemets. On a été consacré à Dieu, en fait, qui est trois fois saint, lui qui est le roi des rois. Vous savez, et lui, en fait, qui réside en nous. C'est ça qui est assez fou. Et donc, dans la notion de royauté, entre guillemets, en fait, c'est de le mettre en premier, le mettre en tant que souverain dans nos vies. La deuxième, c'est ce que nous dit Paul, honorer Dieu dans votre corps. C'est l'honneur. Donc mettre Dieu en premier, lui donner l'honneur qui lui est dû. L'honneur dans les finances, l'honneur dans ce que je donne, dans le sacrifice de mon temps, etc. Également dans les relations. Vous savez, dans ce qu'il m'a demandé d'apporter, en fin de compte, du coup, dans ce que vos leaders m'ont demandé d'apporter, une des questions qui m'a été posée, c'est en quoi le fait qu'on soit un temple consacré impacte nos relations. Et ça impacte, en fin de compte, parce que honorer Dieu dans nos relations, ça va se refléter dans deux choses. C'est d'abord considérer l'autre comme le temple consacré de Dieu. Là, on parle dans la famille de Dieu. À partir du moment où je suis un temple consacré à Dieu, je dois reconnaître que mon frère, ma sœur en Christ est aussi un temple consacré à Dieu. Même si, je vous l'accorde, des fois dans l'église, il y a des personnes qui ont l'air plus d'être des temples consacrés à autre chose. Mais ils sont des temples consacrés à Dieu. Et ça change, en fin de compte. Même moi, quand j'ai préparé le message, j'ai dit, mais ouais, en fin de compte, déjà de considérer que la personne est créée à l'image de Dieu, c'est beaucoup, en fin de compte, et ça amène à un amour que peut-être charnellement nous n'avons pas. Mais de savoir que la personne, en fin de compte, qui est mon frère ou ma sœur en Christ, est un temple consacré, en fait, elle aussi, ça m'aide dans ma façon de le considérer, dans ma façon de l'aimer, dans ma façon de le respecter, quelque part, également. Ça impacte également dans nos relations d'être le temple consacré de Dieu, c'est de refléter celui à qui nous appartenons. On a lu, en fait, le texte dans 2 Chroniques 7, vous lirez à la maison, en fin de compte, la consécration du temple, elle est aussi rapportée dans 1 Roi 8. Donc vous lirez, et quand on voit en fait dans 2 Chroniques chapitre 7 que ça dit que la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple, Dans 1 roi 8, ça le dit en d'autres termes. Ça dit la même chose, hein, mais ça va le dire en d'autres termes. Ça dit, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Vous savez, ça parle de nuée dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez de la nuée de Dieu, en fait, là. Et en tant que temple consacré, ce qu'on peut se poser, est-ce que je reflète celui à qui j'ai été consacré? Donc, en fin de compte, est-ce que je porte la nuée de Dieu avec moi? Ou est-ce que je ramène mon nuage à moi? Vous savez, ça c'est l'expression de ma femme. Quand il y en a un à la maison qui est de mauvaise humeur, là, donc en général, c'est mon fils. Non, je rigole, souvent c'est moi. Comme elle a dit, je suis un vrai Français, donc du coup, souvent, ça m'arrive de me lever du mauvais pied, je boude. Et elle dit, en fait, on a un principe à la maison, quand on est trop négatif, en général, on se le dit. On se dit, ouais, écoute, là, en fait, et ma femme, elle le dit d'une manière particulière, elle dit, tu ramènes ton nuage gris. Donc ça veut dire, en fait, t'as ramené en fait, une atmosphère un peu glauque, ok? Donc du coup, calme-toi, respire un coup, va faire un tour. Et en fin de compte, c'est la question qu'on peut se poser en tant que croyant, en tant que temple consacré de Dieu. On a été consacré, donc est-ce qu'on porte la nuée? Est-ce qu'on porte la nuée, la gloire de l'Éternel sur nos vies? Est-ce qu'on apporte ça quand on est dans un endroit, quand on est quelque part? Ou est-ce qu'on apporte notre nuage à nous? Notre nuage qui peut varier selon nos humeurs, qui peut... En tant que temple consacré, on devrait toujours ramener la nuée de Dieu avec nous. Il y a une empreinte sur nos vies. En fait, quand Dieu en fait, consacre un endroit, on voit en fait, même que les prêtres ont dû sortir du lieu. Si les gens ne veulent pas traîner avec toi, c'est à cause de ça. C'est pas vrai. On voit en fin de compte qu'il y a une nuée, il y a quelque chose en fin de compte de différent. Il y a quelque chose en fin de compte où c'est comme si Dieu mettait un tampon « je valide ». Et cette nuée-là, en fait, c'est ce qu'on est amené à apporter. Ce n'est pas notre nuage de si on est juste content ou si on est de mauvaise humeur, etc. En fait, on est amené à rapporter la nuée de Dieu avec nous parce qu'on est le temple consacré de Dieu. Donc, mettre Dieu en premier, l'honorer et le servir. J'ai mis du coup un verset que j'aimerais partager avec vous. Ce qui est fou, en fin de compte, c'est que, et c'est là que, où j'en reviens, en fin de compte, que Dieu, pour appuyer ce que dit Étienne, en fin de compte, n'est pas dans un endroit, n'est pas dans un bâtiment, n'est pas dans un édifice, mais qui réside, en fait, dans chacun de nous. Et c'est le mandat, en fin de compte, qui nous a été donné. On voit dans 1 Pierre 2, au verset 9, ça dit ceci, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, vous êtes un peuple élu, ce que vous avez vu la semaine dernière, une communauté de rois prêtres. Une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Fin de compte, Dieu qui est le roi des rois nous implique, en tant que croyants, à être ce qu'il appelle des rois prêtres. Vous savez, c'est dans les années 400 que tout a été centralisé en fait, dans les locaux de l'Église, qu'au final on a perdu cette notion-là où tout en fait, a été centralisé sur le prêtre ou sur le pasteur ou toutes ces choses. Mais à la base, nous sommes chacun le temple consacré. Donc nous sommes amenés à avoir, en fin de compte, une prêtrise, entre guillemets, ce que dit en fait Pierre ici. Il dit une communauté de rois prêtres. On a une autorité, on a quelque chose, en fin de compte, on sert le roi des rois et on a un mandat. On a quelque chose, on est des ambassadeurs. On a quelque chose qui n'est pas centralisé sur l'édifice, mais qu'il faut bien saisir sur chacune de nos vies en tant que temple consacré à Dieu. Je vois que l'heure tourne plus rapidement que ce que je pensais. Donc je voulais juste passer en fait au deuxième point. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir. En fin de compte, on m'a posé une question. On m'a dit, mais quelles sont les bénédictions? Quelles sont les bénédictions en tant que temple consacré de Dieu? Et en fait, si vous ne voulez pas que je mette 5 heures, il va falloir que... Et je me suis dit, j'ai compris la question. Mais je crois qu'en fait, elles sont tellement innombrables que c'est impossible de répondre. Donc, je vais juste en développer deux. Mais je vous invite juste, en fait, à savoir quelles sont les bénédictions en tant que temple consacré. On a parlé de ce qui nous importe, des choses à faire, etc. Mais les bénédictions, pour moi, se résument en un verset. On va même juste aller à l'essentiel, lire le verset 32. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnerait-il pas tout aussi avec lui? Les bénédictions, en tant que temple consacré, elles sont innombrables. C'est-à-dire, en tant que temple consacré, en tant qu'agréé de Dieu, la Bible dit qu'on est co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je voulais juste en fait développer ces deux choses, c'est que tout d'abord c'est son héritage. Tout ce que Dieu, en fin de compte en tant que ses enfants, tout ce que Dieu nous donne dans son royaume, on est des co-héritiers avec Christ de tout ce qu'il y a. Ce serait tellement long, en fin de compte, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnerait-il pas tout avec ? Et la deuxième chose, c'est l'amour. En fin de compte, dans les textes qui m'ont été donnés, je vais juste parler de celui-là pour conclure. On m'a parlé, en fin de compte, en tant que temple consacré, de l'histoire qui est rapportée en 2 Samuel chapitre 6. Et je voudrais qu'on la regarde d'un point de vue différent ce matin. Vous connaissez cette histoire, c'est le moment, en fin de compte, où Uza, en fait, touche en fait le coffre de l'Éternel et Dieu le frappe de mort. On va juste lire ces deux versets. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. Vous savez, c'est le genre de passage dans la Bible où on passe vite à un autre, qui font un petit peu flipper. On est d'accord, le gars il a voulu juste toucher l'arche, la remettre droite. Dieu en fait l'a foudroyé sur place. Seulement en fait ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que nous sommes le temple consacré de Dieu. Donc juste en fin de compte qu'on puisse le regarder différemment, pas en fait, est-ce que si je touche, évidemment que les affaires de Dieu sont saintes en fait et qu'on ne doit pas en fait s'interférer. Mais l'arche de l'Alliance en fin de compte, c'est là où la présence de Dieu était. Donc nous en tant que temple consacré, on devrait plus se ranger de l'autre côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu dans son amour, qui veut que sa présence réside en chacun d'entre nous, on est des temples consacrés, on peut juste se dire en fin de compte, voilà la manière dont Dieu nous traite, nous. C'est-à-dire que s'il y a, même sans parler de personne, en fait, que tout mal qui veut t'atteindre, tout mal, en fait, malgré qu'en fait tu puisses pencher, comme l'arche là était en train de pencher, a fait un écart, en fait Dieu s'interpose entre ce qui voudrait être ton juge ou alors te redresser, ou alors ce qu'il voudrait te condamner, et toi. Et c'est ça, en fin de compte, que condamne Dieu dans ce texte-là. C'est le fait qu'on est un temple consacré, et qu'en tant que temple consacré, on est ses enfants et qu'il ne veut pas qu'on touche à nous. Ce n'est pas à ses affaires à lui, mais c'est qu'on doit se mettre de l'autre côté de l'histoire. Et en fin de compte, juste pour conclure, j'avais à cœur d'encourager, en fait, vous, en tant qu'Église, du coup, à cette notion d'intégrité, de pureté, en fait, toutes ces choses, je sais que c'est des sujets qui ne sont pas très bénissants à prêcher, en tout cas, du coup, c'est un petit peu rude. Mais il y a aussi des notions, en fait, d'encouragement dedans, en fait. Et je voudrais juste finir en lisant un texte qui se trouve en Ésaïe 61, parce que, comme on l'a vu, en fait, tout à l'heure, il y a des choses qui sont... qui sont limpides en fin de compte dans la Bible, et on aurait tendance, nous en tant qu'humains, à juste se dire mais le standard il est juste trop haut. Mais comme je vous dis, j'aime la transparence, en fait, la manière dont t'es dépeint Abraham, la manière dont t'es dépeint Paul, en fin de compte où on voit leur faiblesse. Et je crois qu'il y a un appel en fait en tant qu'église à l'intégrité, à la pureté, à reconsidérer qu'on est le temple consacré de Dieu, on est sa demeure et que notre corps ne nous appartient plus et qu'on doit veiller à ce temple ne soit pas détruit. Mais d'un autre côté aussi, il y a la réalité de la vie. Et je crois que vraiment en priant pour ce message, Dieu m'a mis ça sur le cœur, qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément pris soin de ce temple. Il y a des moments dans la vie où on chute, il y a des moments dans la vie où on tombe, il y a des moments où on vit en fait des moments difficiles, ou même on décide par nous-mêmes de détruire ce temple, ça arrive. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on a un Dieu de la restauration. Vous savez, quand Jésus va dire en fait dans le temple, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, etc. Et en fait, il va citer Ésaïe 61. Et j'aime la suite, en fin de compte. Du coup, il va citer les trois premiers versets, et j'aime la suite du texte. On va lire en entier. Il dit « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter ceux qui dans Sion sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. » J'aime le verset 4, ça dit « Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Ils restaureront des villes ravagées, des habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux, les gens seront vos laboureurs, etc. » J'aime ce que ça dit plus loin. « Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. Au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie. À cause de la part que vous aurez, car dans votre pays vous recevrez un patrimoine double, il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, j'aime la droiture, je déteste le vol, la perfidie, je les rétribuerai avec fidélité. Un peu plus loin, ça va dire, je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, puisqu'il m'aura revêtu des habits du salut. Il m'aura enveloppé du manteau de justice. » On va juste s'arrêter là. En fin de compte, du coup, j'avais vraiment ce texte-là à cœur pour certaines personnes où parfois, en fin de compte, notre vie, notre temple, en fait, que notre... nous, en tant que temple consacré, souvent, peut être en ruine. Mais ce que j'aime, en fin de compte, ce que Christ a fait à la croix, est-ce que ce qu'il annonce, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Et Ésaïe 61, j'aime la suite du texte, il dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des villes ravagées depuis des générations. » En fin de compte, du coup, le temple que nous formons, il y a peut-être des pierres que tu as détruites, mais Dieu veut le reconstruire aujourd'hui. Il y a un appel à « je veux m'engager à la pureté, à l'intégrité, mais quoi que tu aies pu faire, quoi qu'en fait il s'est passé, même que tu aies fait des compromis, que tu aies détruit en fait quoi que ce soit, Dieu en fait est là, il se tient à la porte de ton cœur et cette promesse-là, elle est encore pour aujourd'hui. Il désire rebâtir sur les ruines. Les ruines de, peut-être les ruines de ton cœur, les ruines de tes relations, les ruines de, je ne sais pas. Je crois vraiment être venu ce matin pour certaines personnes qui vivent cette situation-là, dont le temple consacré à Dieu, en fait, a des parties en ruine ou même est totalement en ruine. Dieu veut rebâtir, Dieu rebâtit sur les ruines. Donc j'aimerais juste en fait qu'on puisse, je ne vais pas vous faire lever la main, etc. Je pense que des fois, il y a des moments qui sont douloureux. Donc qu'on puisse juste, chacun par respect, fermer les yeux et qu'on puisse passer un temps dans la prière. Et j'aimerais prier pour ces personnes-là. Seigneur, tout d'abord, je veux te prier pour nous en tant qu'Église, en tant que ton peuple, en tant que temple consacré. Seigneur, tu nous as mis à part. Seigneur, on veut répondre, Seigneur, à cet appel, Seigneur mon Dieu, et ne pas considérer, Seigneur, celui qui est le roi des rois qui habite en nous, comme un colocataire, Seigneur, mais vraiment en tant que propriétaire de nos vies. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où, Seigneur, où nos yeux ont regardé ce qu'ils n'auraient pas dû, où nos mains, Seigneur, ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, où nos cœurs ont aspiré à des choses qu'elles n'auraient pas dû, Seigneur, où nos bouches ont dit des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Seigneur, on vient vers toi, Seigneur, en toute humilité, avec un cœur repentant, un cœur obéissant, Seigneur mon Dieu. On veut se mettre à part, Seigneur, parce que tu nous as consacrés, Seigneur. Nous sommes ce temple consacré. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour les personnes ici, Seigneur, qui vivent un temps où leur temple est brisé, où y a des ruines, Seigneur, sur certaines sphères de leur vie, même sur leur vie tout entière. Seigneur, tu dis dans Ésaïe 61, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, pour relever, Seigneur, et rebâtir sur les ruines. Seigneur, ce temple, Seigneur mon Dieu, Seigneur, comme Ézéchiel a soufflé, Seigneur, sur la vallée des eaux desséchées, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ce temple, Seigneur, il est amené à être relevé, Seigneur, car c'est toi qui vas le rebâtir. Seigneur, je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, agis, Seigneur, dans les cœurs, agis dans les vies. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que brique par brique de ton temple, Seigneur, pierre par pierre, elle soit reconstruite. Seigneur, je te prie, Seigneur, de revêtir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui vivent cette période-là, d'un habit de joie au lieu d'un habit de deuil. Seigneur, que l'héritage, Seigneur, qu'il leur est promis, Seigneur, que ces promesses, Seigneur, que tu as mis dans ta parole, Seigneur, ils puissent les saisir et les vivre pleinement. Il n'y a rien, Seigneur, qu'on puisse faire qui peut nous écarter à un point, Seigneur, où on ne peut pas revenir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, comme le fils prodigue, Seigneur mon Dieu, je crois qu'il y a des fils prodigues dans cette salle. Seigneur, quand on revient vers toi, tu es celui qui va sur le pas de la porte et qui ouvre les bras et qui nous restaure, qui nous remet un manteau, Seigneur, qui nous remet les plus beaux des habits, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je crois, Seigneur, que c'est ce qui va se passer, Seigneur, dès aujourd'hui, dès à présent dans ma vie de mon frère et ma sœur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur donner ce cœur repentant, Seigneur, et de leur donner, Seigneur, de te laisser l'accès à reconstruire, à rebâtir sur les ruines. Seigneur, nous sommes ton temple, Seigneur mon Dieu, un temple consacré pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur, et merci pour ce privilège. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.